الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد ceci est la synthèse d'un article important de Al-Sheikh Ra'id Al-Tahir Hafidahullah où il montre l'imposture de Abdullah bin Sawan Al-Ghamidi. L'article de Sheikh Ra'id Al-Tahir est intitulé كشف المفتري عبد الله الغامدي في خطابه الموجه إلى اللجنة الدائمة وسماحة المفتي. Le démasquage de l'imposteur عبد الله الغامدي dans son discours adressé au comité et à son éminence مفتي. Article écrit, je rappelle, par Sheikh Ra'id Al-Tahir de l'Irak. Il est écrit le 10 Sha'ban 1435 de l'Hégire. Abdullah al-Ghamidi envoya un message à son éminence Mufti Abdulaziz al-Sheikh Hafidullah ainsi qu'au comité permanent. Le texte de ce message se trouve publié sur le site de Al-Afaq sous le titre Khitabi al-Muwajjah lil-Lajnati al-Da'ima, mon discours adressé au comité permanent. Al-Ghamidi idi fahaza khitabun nuwajjihuhu ila mufti aam al-Mamlakati al-Arabiyyati al-Saudiyya al-Sheikh al-Fadil Abdul Aziz al-Sheikh Hafidahullah wa ila ulama'ina al-Kiram في اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ونقول بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا كتاب أرفقناه مع خطابنا هذا واسمه المقالات الأثرية في الرد على شبهات وتشغيبات الحدادية للدكتور ربيع بن هادي المدخلي نرجو من فضيلتكم الاطلاع عليه والفتوى بما ترون أنه الحق. الغامدي أبدي ceci est un message que nous adressons au mufti général du royaume d'Arabie Saoudite, le noble Sheikh Abdulaziz al-Sheikh Hafidullah, ainsi qu'à nos savants honorables dans le comité permanent dans le royaume d'Arabie Saoudite. Et nous disons d'abord assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci dit, ceci est un livre que nous avons joint à notre discours-ci et il s'intitule Al-Maqalat al-Athariya fi al-Radd 'ala Shubuhat wa Tashribat al-Haddadiyya du docteur Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Nous espérons de votre éminence de le lire et d'émettre une fatwa de ce que vous jugez être le vrai jusqu'à ce que Al-Ghamidi ait dit هذه بعض النقولات التي اجتهدنا في اختصارها من الكتاب المرفق والله نسأل التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. تنبيه, c'est toujours le Ghamidi qui parle ici. تنبيه, حذفت الأسماء حتى لا يلتبس على القراء فيعتقدون أنه الخطاب نفسه المقدم للعلماء, وإنما هذا الأصل وما قدم إليهم فهو المختصر منه. سبحان الله. شيخ رائد آل طاهر كومونتا. إذن هذا ليس هو الخطاب المرسل إلى اللجنة الدائمة وإنما هو الأصل المختصر من مقالات الشيخ ربيع, والذي قدم إلى اللجنة الدائمة هو مختصر المختصر. وإذا كان المختصر بهذه الصورة فما بالكم أيها القراء بمختصر المختصر؟ ثم ما هي الأسماء التي قام الغامدي بحذفها؟ لم يفصح هذا المتلاعب عن ذلك. Traduction. Al-Ghamidi avait dit, ce sont là quelques citations que nous avons tâché de résumer de ce livre joint. nous implorons le succès et la rectitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute la louange revient à Allah. Avertissement, et c'est toujours Ramidi qui parle. Avertissement, j'ai effacé les noms pour que les lecteurs ne soient pas confus en pensant que c'est le discours même adressé aux savants. Or, ceci est le fond et ce qui leur était présenté et sont condensés, sont résumés. Je répète, je reprends cet avertissement de Al-Ghamidi, ce joueur Al-Ghamidi qui se joue des lecteurs. Avertissement, il avait dit, j'ai effacé les noms pour que les lecteurs ne soient pas confus. Lui, il veut la confusion, il dit que pour que les lecteurs ne soient pas confus. Il avait dit, j'ai effacé les noms pour que les lecteurs ne soient pas confus. En pensant que c'est le discours même adressé aux savants. Et pourquoi tu avais mis le titre Khitabi al-Mujali al-Lajna al-Da'ima wa Samahat al-Mufti? Pourquoi tu avais mis ce titre si tu ne veux pas la confusion? Je répète toujours cet avertissement. Il avait dit, j'ai effacé les noms pour que les lecteurs ne soient pas confus en pensant que c'est le discours même adressé aux savants. Or, ceci est le fond, et ce qui leur était présenté est un condensé, et son condensé, son résumé. Cheikh Ra'id avait commenté. Donc, ceci n'est pas le discours adressé au comité permanent. Ceci est le fond, qui est un premier résumé des articles de Cheikh Ra'id, et ce qui fut présenté. Al-Lajna al-Da'ima est le résumé du résumé. Mukhtasar al-Mukhtasar. Si le résumé affiché est ainsi, que pensez-vous, ô lecteur, que pensez-vous du résumé du résumé qu'il adressa à Al-Lajna? Que pensez-vous du résumé de ce résumé? Et puis, quels sont les noms que Al-Ghamidi avait effacés ici? Ce joueur ne l'avoue pas. Et quand Al-Ghamidi remarqua que son article publié et qu'il avait intitulé et qu'il avait qualifié de Al-Mukhtasar, le résumé, quand il remarqua que son article publié, Al-Mukhtasar, est si laconique au point qu'il n'est pas représentatif, et qu'il est mensonger, et que les gens se rendront compte de ce qu'il est un imposteur, un joueur, un menteur, il essaya de déjouer l'attention en écrivant des notes de bas de page, commentant son résumé, en amenant des citations de Cheikh Rabir, Hafidhahullah. Ainsi, Al-Ghamidi Bern, et leur, les lecteurs bénis et crédules, en faisant penser qu'il aurait envoyé un discours clair et détaillé, où il y aurait des paroles non tronquées de Cheikh Rabir. Et afin d'échapper à la critique quant à son jeu et imposture, il rajoute une précision entre parenthèses, car il ne précise jamais. Il rajoute une précision, un prétexte. Il dit, au terme de son article, « ولكن لم نقدم هذا الخطاب لأنهم طلبوا منا الاختصار في صفحتين فقط فاختصر بحمد الله. » Cependant, nous n'avons pas envoyé ce discours, puisqu'il nous avait demandé de résumer en deux pages uniquement. Et ce fut résumé, et la louange revient à Allah. Quelle imposture! Venons maintenant à la réfutation de ce que Al-Ghamidi avait publié, c'est-à-dire Al-Mukhtasar, le résumé. Quant à ce qu'il cacha, Mukhtasar al-Mukhtasar, qu'il envoya à Al-Lajna, le comité, Allah sait ce qu'il contient d'imposture et de mensonge. Al-Ghamidi avait dit du livre qui rassemble quelques articles de Cheikh Rabi', il avait dit, Al-Ghamidi, il avait dit, وَقَدْ رَدَّ فِيهِ الدُّكْتُورُ أي Cheikh Rabi', وَقَدْ رَدَّ فِيهِ الدُّكْتُورُ عَلَى بَعْضِ طُلَّابِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْعَمَلَ جُزْءٌ مِنْ مُسَمَّى الْإِيمَانِ إِجْمَاعًا Cheikh Ra'id commenta, هَذَا كَذِبٌ ظَاهِرٌ له قرون بطول الغامدي نفسه فليذكر لنا الغامدي ومن معه من الحدادية أين نجد قول الشيخ ربيع أن العمل ليس من الإيمان voici la question donnez-nous une parole de Cheikh Rabi où il dit que العمل ne fait pas partie de l'Iman traduction الغامدي décrit le recueil de quelques articles de Cheikh Rabi comme étant une réfutation contre certains apprenants de science, ces apprenants de science qui voient que Al-Amal, l'œuvre, est une partie de la réalité de la foi, de Al-Iman, à l'unanimité, à l'unanimité. Est-ce que Cheikh Rabi ne voit pas ça? Cheikh Ra'id commenta, ceci est un mensonge manifeste, ayant des cornes de la longueur de Al-Ghamidi lui-même. La question qui se pose ici à Al-Ghamidi et à ceux qui sont avec lui parmi les Haddadi est la suivante. Où pouvons-nous trouver cette parole de Cheikh Rabi' où il aurait considéré Al-Amal, l'œuvre, comme étant située en dehors de la foi? Nom du traducteur. Cette question se dirige aussi aux Haddadi Takfiri de France, qui sont derrière les sites, par exemple, de tawhidallah.fr, c'est-à-dire haddadiya.fr, et le site Tout pour le musulman, c'est-à-dire Tout pour le Haddadi, Tout pour le Takfiri, Tout pour faire un Takfiri, un Haddadi. Nous vous demandons de nous indiquer où Cheikh Rabi' aurait-il enseigné telle parole? Et nous précisons que nous n'avons que faire de vos interprétations, de vos incompréhensions, de vos spéculations vis-à-vis de ces livres et articles et conférences. Nous n'avons que faire de tout cela. Nous demandons une citation claire. Nous demandons un propos clair. Or, aux antipodes de ces paroles, aux antipodes de cette supercherie, de cette imposture, de ces spéculations, de ces mensonges, aux antipodes de tout cela, les paroles de Cheikh Rabi' où il enseigne la aqida, la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a quant à cette question de la foi, de Al-Iman, ces paroles, Hafidhahullah, avaient fait un volume, ont été rassemblées en un volume où il dit que Al-Amal juz min al-Iman. Cela a fait tout un livre intitulé Ithaf Ahli al-Sidq wal-Irfan bi kalam al-Shaykh Rabi'in fi masail al-Iman, recueilli par Ahmed bin Yahya al-Zahrani. Et Al-Ghamidi avait dit aussi dans son Mukhtasar, Al-Mukhtasar, le résumé qu'il publia alors qu'il garda Mukhtasar al-Mukhtasar pour lui-même, il le garda pour lui-même, il garda ce Mukhtasar al-Mukhtasar qu'il adressa au Mufti et au comité, il le garda non publié. Pourquoi est-ce qu'il ne le publie pas? Ah, par souci de transparence. Pourquoi est-ce qu'il ne le publie pas? Pourquoi est-ce qu'il ne publie pas cette question qu'il adressa à Al-Lajna? Pourquoi il la garde pour lui-même s'il n'était pas un menteur, un imposteur? Il y a lieu de propager la science. Pourquoi il garde cette question pour lui-même? Donc il avait dit dans Al-Mukhtasar, Yara al-Doktour Rabi' anna al-qawla bi anna al-amal shartu kamal huwa qawlun thanin li ahli sunnah li yusahiha bihi qawl al-Albani fi al-mas'ala. Cheikh Ra'id commenta, هذه كذبة صريحة ثانية فالعلامة الشيخ ربيع حفظه الله من أول المنكرين لهذه اللفظة العمل شرط كمال. وقد أنكر على خالد العنبري لما ذكرها في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله، وأنكرها أيضا على أبي الحسن المأربي لما ذكرها في كتابه السراج الوهاج. بل صرح الشيخ ربيع حفظه الله بتخطئة الإمام الألباني رحمه الله في هذه العبارة، لكنه لم يقبل وصفه بالإرجاء، لم يقبل وصف الإمام الألباني بالإرجاء رحمه الله الإمام الألباني. انظر محاضرة الشيخ ربيع بعنوان وكذلك جعلناكم أمة وسطا، une conférence donnée en l'an 1425، محاضرة بتاريخ 1425 للهجرة. traduction: الغامدي أفونسا، docteur Rabi voit que la parole comme quoi العمل شرط كمال في الإيمان l'œuvre une condition de perfection dans la foi qu'elle serait une seconde parole des gens de la sunna afin qu'il corrige et qu'il authentifie ainsi le propos de Al-Albani. Et Raïd Al-Tahir commenta: ceci est un second mensonge manifeste. L'érudit Cheikh Rabi Hafidullah avait critiqué Khalid Al-Anbari lorsqu'il la déclina dans son livre Al-Hukm Bighayri Ma Anzalallah. Et il la critiqua à Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui l'a mis dans son livre As-Siraj al-Wahaj. Il critiqua cette formule, Al-Amalu Shartu Kamalin fil Iman. Il la critiqua à ces deux auteurs. Et Cheikh Rabi' a même considéré que l'imam al-Albani, rahimallah, avait commis une erreur dans cette expression. Et qu'il avait commis une erreur dans cette formulation et dans cette expression. Mais Cheikh Rabi' n'avait pas accepté de le taxer d'irja, confère la conférence de Cheikh Rabi' intitulée « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا » qui date de 1425 de l'Hégire. Et où Cheikh Rabi' rappelle que l'imam Ibn Baz, rahimahullah, lui aussi, avait utilisé cette expression « شرط كمال » et « شرط صحة » condition de base et condition de perfection. Et revenez à la conférence donnée par Cheikh Rabi' et vous allez trouver tout cela. Cheikh Ra'id ajouta: Nasaba Abdullah al-Ghamidi ila Cheikh Rabi' hafidahullah bi annahu yuqarriru anna al-imam Muhammadan ibn Abd al-Wahhab rahimahullah yaktafi bil-takfir bil-qawli دون التكفير بالعمل وهذه كذبة أخرى فأين كلام الشيخ ربيع هذا؟ والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وهذا يعني أنه لا يكفر تارك العمل، وهذا ما فهمه منه الشيخ ربيع وصرح به، وهذا ما يفهمه كل قارئ متجرد عن دندنة جنس العمل. لكن هل هذا يعني أنه لا يرى أن التكفير يكون بالعمل كما يكون بالقول والاعتقاد؟ لا يفهم هذا إلا جاهل أو ماكر مثل الغامدي. Il a les deux qualificatifs, jahil et makir, les deux à la fois sur Ghamidi. لا يفهم هذا إلا جاهل أو ماكر مثل الغامدي. فكون العالم لا يكفر تارك العمل لا يستلزم منه أنه لا يكفر بالعمل. Sont deux choses différentes. فكون العالم لا يكفر تارك العمل لا يستلزم منه أنه لا يكفر بالعمل. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الشيخ الألباني مثلا لا يكفر تارك العمل، لكنه يكفر من داس المصحف ومن يمتنع عن أداء الصلاة بعد عرضه على السيف، وصرح بهذا رحمه الله، وهذا تكفير بالعمل. فأهل السنة يعتقدون أن التكفير يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ولا خلاف بينهم في ذلك. Il n'y a pas de divergence sur cela. Que le takfir se fait par l'a'mal. ولا خلاف بينهم في ذلك. وأما تارك العمل، وأما تارك العمل، والمراد به تارك المباني الأربعة بعد الشهادتين وما دونها من الأعمال الصالحة، ففيه خلاف بين أهل السنة، خلاف معتبر. Traduction. عبد الله الغامدي impute à Cheikh Rabi Hafidhullah qu'il déclara que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah se limite au takfir par la parole et non pas à celui à cause des actes, et non pas le takfir à cause des actes. Et ceci est un autre mensonge de Al-Ghamidi à l'encontre de Cheikh Rabi. Où est cette parole de Cheikh Rabi? Où est cette parole de Cheikh Rabi? Où se trouve cette parole? Nous demandons cette parole, cette citation. Nous demandons la preuve. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Où est cette parole de Cheikh Rabi? L'imam revivificateur, c'est-à-dire Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, nous ne rendons mécréants que par ce qui fait unanimité entre tous les savants, à savoir les deux attestations de la foi. Fin de citation. Ceci veut dire qu'ils ne rendent pas mécréants celui qui délaisse l'œuvre. Et c'est ce que Cheikh Rabi comprit de lui. Et il le déclara. Et c'est ce que comprend tout lecteur qui n'a pas la puce à l'oreille de ce qui s'appelle Jinsul Amal. Mais est-ce que cela signifie qu'il ne voit pas que le takfir se fait à cause de l'amal, à cause de l'œuvre, comme il se fait à cause de la parole et à cause de la croyance? Non, c'est incorrect. Ne pas affirmer cela, ne peut affirmer cela qu'un ignorant. Ne peut affirmer cela qu'un ignorant ou un fourbe, comme Al-Ghamidi, un ignorant et fourbe, Al-Ghamidi. Qu'un savant ne rend pas mécréant celui qui délaisse l'œuvre, ne signifie pas qu'il ne rend pas mécréant à cause de l'œuvre. Ce sont deux choses différentes. Qu'un savant ne rend pas mécréant celui qui délaisse l'œuvre, qui délaisse la salade par exemple, qui délaisse l'œuvre, ne signifie pas qu'il ne rend pas mécréant à cause de l'œuvre, c'est-à-dire à cause d'une œuvre de mécréance, comme le fait de piétiner al-mushaf, iyadhan billah. Cheikh al-Bani rahimahullah par exemple, ne rend pas mécréant celui qui délaisse l'œuvre. Note du traducteur. Il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la salate, par exemple. Celui qui délaisse la salate par paresse. Doit-il rendre mécréant celui qui délaisse une autre œuvre, alors que la salate est le plus grand pilier, après les deux attestations, la plus grande des œuvres? Fin de cette note. Mais Cheikh Al-Albani rend mécréant celui qui commet l'acte, par exemple, de piétiner al-mushaf, le livre. Il rend mécréant celui qui s'expose à l'épée pour avoir délaissé la salate et qui s'abstient. C'est-à-dire celui qui préfère mourir que de faire la salate. Le Cheikh avait déclaré cela, Cheikh Albani avait déclaré cela. Et ceci est un exemple de takfir par lèvre. Ahl al-Sunnah croit que le takfir se fait sur les plans de la parole, de la croyance et de l'œuvre, et il n'y a pas de divergence entre eux sur ce point. Quant à celui qui délaisse l'œuvre, tarik al-amal, c'est-à-dire celui qui délaisse les quatre piliers venant après les deux attestations, ainsi que les bonnes œuvres situées en deçà de ces quatre piliers, Là, il y a une divergence reconnue entre les gens de la Sunna. Reconnue entre les gens de la Sunna. Non pas pour les Haddadi. Et Sheikh Ra'id al-Tahir continua. قال الغامدي مستنكرا عقيدة الشيخ ربيع حفظه الله ويرى الدكتور أن تارك الصلاة متهاونا لا يكفر وبنى على هذا أن تارك العمل بالكلية لا يكفر وأن هذا قولا صحيحا لأهل السنة انتهى كلام الغامدي وعلق الشيخ رائد وعلى ما يستنكر الغامدي عدم تكفير تارك الصلاة متهاونا ألا يعلم أن هذا القول هو قول جمهور أهل السنة قديما وحديثا أم أن الغامدية لا يعد القول بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا من أقوال أهل السنة أو لا يعده قولا صحيحا لأهل السنة وكلامه يشير إلى ذلك والغامدي بكلامه هذا لا ينكر على الشيخ ربيع فحسب بل ينكر على أئمة السلف الذين لا يكفرون تارك الصلاة تهاونا أما أن الشيخ ربيعا حفظه الله لا يكفر تارك العمل بالكلية فهذا خلاف ما قرره الشيخ ربيع حفظه الله ما قرره مرارا في مقالاته التي رد فيها على فالح وفوزي وزمرتهم الآثمة ومما قاله حفظه الله فيها أنا قلت مرارا إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق لكني نهيت عن التعلق بلفظ جنس لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدي إلى الفتن وبينت أنه لا وجود له في الكتاب والسنة ولا وجود له في كلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا أدلة أهل السنة والجماعة في الإيمان وبينت غرابته على اللغة العربية واضطراب أقوال أهل اللغة في معناه انتهى كلامه حفظه الله أما عدم تكفير تارك العمل فهذا قول من أقوال أئمة السلف قديما وحديثا وقد قرره الشيخ ربيع في ردوده على عادل آل حمدان وعبد الله الغامدي بعد دراسة موسعة وتحقيق دقيق مدعما بالأدلة والآثار السلفية والنقول المستفيضة عن أئمة السلف ولم يبنه الشيخ ربيع على مسألة عدم تكفير تارك الصلاة أصالة وإنما على أحاديث الشفاعة وفضل التوحيد وعدم خلود الموحدين في النار تخادكسيون شيخ رائد سيتا أن أطخ بوان كم سوي الغامدي دي أن بلامون لعقيدة الشيخ ربيع حفظه الله الغامدي دي إي لو دكتور voit que celui qui délaisse la salat paresseusement ne mécroit pas. Et il avait induit de cela, c'est-à-dire Cheikh Rabir toujours, c'est toujours la citation de Al-Ghamidi, et il avait induit de cela que celui qui délaisse totalement l'œuvre ne mécroit pas, et que ceci serait une parole authentifiée des gens de la Sunna. Fin de la citation de Al-Ghamidi maintenant. Et Cheikh Ra'id lui répliqua ainsi, pourquoi Al-Ghamidi fait-il un blâme à cause du non-tekfir de celui qui délaisse la salat paresseusement? Pourquoi vous blâmez, Cheikh Rabi, à cause de cela? Est-ce qu'il ne sait pas que ceci, c'est-à-dire le non-tekfir de Tariq al-Salat al-Hawunan, est-ce qu'il ne sait pas que ceci est l'avis même du Jumhur des gens de la Sunna anciens et contemporains? Est-ce qu'il ne sait pas cela? C'est un ignorant, il peut ne pas le savoir. Il peut ne pas le savoir, il peut ne pas le reconnaître parce qu'il est haddadi. Ou bien est-ce que Al-Ghamidi ne considère pas que cet avis, c'est-à-dire l'avis de non-tekfir de celui qui délaisse la salat par paresse, est-ce qu'il ne considère pas que cet avis serait l'un des avis des gens de la Sunna? Ou encore, est-ce qu'ils ne le considèrent pas comme un avis authentifié d'eux, étant donné que sa parole à lui laisse comprendre ses conclusions? De ce fait, Al-Ghamidi ne blâme pas uniquement Cheikh Rabi', mais il fait des reproches aux imams des salafs qui ne rendaient pas mécréant celui qui délaisse la salat par paresse. Quant à la parole de Al-Ghamidi, avançant que Cheikh Rabi' Hafidullah ne rend pas mécréant celui qui délaisse toute l'œuvre, ceci est contraire à ce que Cheikh Rabi' avait enseigné à maintes reprises dans les articles de réfutation de Falih, les articles où il réfuta Falih et Fawzi al-Bahraini, ainsi qu'à leur clan agresseur. Et parmi ce qu'il y déclara, je cite, « J'ai dit, c'est-à-dire Cheikh Rabi', « j'ai dit à maintes reprises que celui qui délaisse l'œuvre entièrement est mécréant, zindiq. Néanmoins, j'ai interdit de s'attacher au terme jins à cause de ce qu'il recèle comme généralité et confusion qui mène au trouble. Voilà pourquoi Cheikh Rabi' interdit de s'attacher au terme jins. Et pour dire jins l'amal, Al-Sunna ont dit Al-Amal, ils n'ont pas dit jins l'amal. Cheikh Rabi' interdit d'utiliser jins à cause, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans des troubles à cause de ce terme qui divise parfois des salafis qui ne comprennent pas donc les propos des savants. Il avait dit, Hafidhahullah, j'ai dit à maintes reprises que celui qui délaisse l'œuvre entièrement est mécréant zindir. Néanmoins, j'ai interdit de s'attacher au terme jins à cause de ce qu'il recèle comme généralité et confusion qui mène au trouble. J'ai montré qu'il ne se trouve, ce terme, ne se trouve ni dans le livre, ni dans la sunna. Il ne se trouve pas non plus dans les propos des nobles compagnons, qu'Allah les agrée. Il ne se trouve pas non plus dans les arguments des gens de la sunna et du groupe. Quand il parle de l'iman, de la foi, les gens de la sunna et du groupe n'ont pas utilisé jins l'amal. Et j'ai montré, toujours Cheikh Rabi', et j'ai montré son étrangeté par rapport à la langue arabe et que les linguistes divergent sur sa signification. Fin de sa citation. Cheikh Ra'id continue. Quand on en takfir de celui qui délaisse l'œuvre, ceci est bien l'une des paroles des imams de As-Salaf à l'époque ancienne et contemporaine. Et Cheikh Rabi' a déclaré cette divergence dans ses répliques contre Adil al-Hamdan et contre Abdullah al-Ghamidi lui-même. Après une large étude et un examen scrupuleux, appuyé des arguments et des textes des Salaf et des compilations nombreuses des propos des imams salafis, et Cheikh Rabi' n'avait pas fondé cette position à la base sur le non-takfir de Tariq Salah, mais plutôt sur les hadiths de Al-Shafa'a, l'intercession, et ceux du bienfait du monothéisme, et que les mouahidines, les monothéistes, ne sont pas éternisés au feu. Quant au reste de ce que Al-Ghamidi avait transmis concernant un athar ou un ijmer, ceci est objet de discussion entre les gens de la science. Et Cheikh Rabi' est un savant muhaddith. Il a la latitude de donner ses avis sur ces questions. De ce fait, Al-Ghamidi se trompe ici également en voulant imposer ses points de vue comme étant les seuls valables et occultons ainsi les paroles des imams sur ces questions. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.